Page arrachée à la correspondance de Raymond Chandler. Lettre choisie par Bruno Abraham Kremer et Anne Rothenberg. Réalisation Pascal Deux. En direct du studio 110 de la Maison de la Radio. Créateur de Philippe Marlowe, détective privé immortalisé au cinéma par Humphrey Bogart, Raymond Chandler est l'un des grands maîtres du roman noir américain. Un jour, en parcourant la côte du Pacifique en voiture, je me suis mis à lire des magazines bon marché. Et une chose m'a frappé. Ce genre de littérature ne manquait ni de force, ni d'honnêteté sous son aspect fruste. J'en ai conclu que c'était peut-être le bon moment d'apprendre à écrire de la fiction, tout en gagnant un peu d'argent en même temps. À Hamish Hamilton, à Alex Barris, à George Harmon Cox, à Dale Warren, à Mrs. Knopf, à Alfred Hitchcock, à Charles Mort, à Mr. Wicks. Troisième épisode. So, they swap murders. Swap murders? Each fellow does the other fellow's murder, then there's nothing to connect them. Each one has murdered a total stranger. Like, you do my murder. I do yours. We're coming into my station. For example, your wife, my father. Crisscross. Lettre du 28 septembre 1950 à son éditeur anglais, Hamish Hamilton. Eh bien, cher Jamie, comme dit le personnage débonnaire dans les opérettes, nous voici de retour sur les lieux de nos exploits. Mardi soir, j'ai envoyé le dernier de mes scénarios, L'Inconnu du Nord Express, à la Warner. Le film ne vaudra sans doute guère mieux que Le Grand Alibi, qu'on a ici en piètre estime. L'opinion générale semble être que Hitchcock a déjà donné le meilleur de lui-même. Attitude dangereuse quand il s'agit d'un homme de talent, car c'est à n'en pas douter un homme de talent, encore qu'il soit assez terne en dehors de ce qui fait son adresse. Certains metteurs en scène, et c'est vrai aussi pour les écrivains, semblent capables de faire leur travail avec seulement une petite partie de leurs possibilités réelles. Ils appartiennent à cette catégorie que j'appelle les amateurs assez grands. Ils deviennent des génies. D'autres font quelque chose de particulier, extrêmement bien, et à les regarder, on ne croirait pas qu'ils en soient capables. Eux, ce sont les techniciens. Je dirais que Hitchcock appartient à ce second groupe, mais bien sûr, je ne le connais pas très bien. J'ai parfois échangé quelques mots avec lui, mais les choses en sont restées là. Il est très rare pour un scénariste d'écrire tout un scénario sans un seul entretien avec le metteur en scène. Peut-être s'est-il dit que c'était le meilleur comportement à mon égard, ce qui, d'un sens, n'est pas sot. Par rapport à mes habitudes, le travail a avancé très vite. Même si mon scénario n'est pas aussi parfait qu'il aurait pu l'être, si l'on avait pu discuter les points épineux, Hitchcock s'en sort plutôt bien. Si l'on considère la minceur du sujet, car dans ce roman, il y a une idée, et une seule. Mais je n'ai pas travaillé vite uniquement pour faire plaisir à Hitchcock ou à Warner. Je suis allé vite parce que je me suis dit que 10 ou 12 semaines, c'était tout ce que je pouvais consacrer de temps à un scénario de film. Parce que moi, en ce moment, je suis en train de bouffer mon capital. Et ce genre de boulot ne mérite pas qu'on y gaspille davantage de temps. Ici, la plupart des gars se disent que tant qu'ils travaillent, on les paye. Alors vas-y, Coco, on fait durer le plaisir. Mon idée, c'est que le cinéma, c'est trop précieux pour le laisser tomber complètement. Mais je ne veux pas le laisser envahir toute ma vie. Les travaux à gages, c'est parfait, mais à petite dose. C'est bien que l'on considère les auteurs de romans policiers comme des tâcherons dans certains milieux, simplement parce que ce sont des auteurs de romans policiers. Il s'agit, à mon avis, d'une confusion d'idées. Un écrivain qui accepte de travailler dans un certain genre n'est pas plus un besogneux que Shakespeare ne l'était sous prétexte que pour retenir son public, il lui fallait mettre dans ses pièces des scènes de violence ou de farce, ou que ne l'étaient les peintres de la Renaissance quand il leur fallait exploiter le sentiment religieux qui plaisait à l'Église. Pour moi, un écrivain à gage, c'est celui qui laisse un autre lui dire quoi écrire et comment. Il n'écrit pas dans un genre convenu, mais selon l'idée que l'éditeur s'en fait. Bien sûr, la frontière reste vague. Bien à vous. Ray. À Hamish Hamilton, 13 octobre 1950. Je suis dans une rage folle, Jamie. Hitchcock est un fruste et la Warner des rapaces. Ils ont fait appel à Chenzi Ormond pour finir le scénario. Et mes agents sont des traîtres. Personne pour défendre mes intérêts. Non, je ne méprise pas Hollywood. Pourquoi mépriserais-je Hollywood ? Ils sont rapaces et intraitables sur les questions d'argent, mais ils se font aussi drôlement esquinter par les agents, les syndicats, les propriétaires de salles. Ils ont des manières détestables. À partir d'une histoire où il n'y avait rien à prendre, sauf une idée, j'ai écrit, en à peu près 10 semaines, un synopsis et un scénario. Ils m'ont d'abord dit que rien ne pressait, pour m'annoncer à mi-chemin qu'il y avait une date limite pour commencer le tournage. J'ai écrit ce scénario de mon mieux, exactement dans le sens que voulait Hitchcock. Je n'ai pas eu un seul mot de remerciement ou de gratitude de sa part, ou de qui que ce soit d'ailleurs chez Warner. Peut-être qu'ils n'ont pas aimé mon scénario. Mais alors ils auraient pu s'en rendre compte tout de suite, puisque je leur donnais au fur et à mesure. Et ils n'avaient pas besoin de me le faire continuer, puisque j'étais engagé à la semaine. Simplement, je trouve que ce n'est pas une façon de traiter les gens. Et cela, même d'un point de vue pratique. Ce n'est pas ainsi qu'on obtient le meilleur de ce qu'ils peuvent donner. Mais cela ne veut pas dire que je ne respecte pas des quantités de gens qui, à Hollywood, font du très bon boulot. Après tout, les machinations et les crocs en jambes n'y sont pas pires que dans la plupart des grandes entreprises ou parmi les hauts fonctionnaires. Bien à vous, Ray. À Hamish Hamilton. Je n'ai pas d'enfant. Il a réputation d'être un écrivain dur, mais ça ne veut rien dire. Il s'agit seulement d'une méthode de protection. Personnellement, je suis sensible et même timide. Je peux être parfois extrêmement caustique, voire querelleur, très sentimental à d'autres moments. Je m'assimile mal, car les gens m'ennuient facilement. Et la médiocrité ne satisfait jamais ma personne, pas plus d'ailleurs les gens que dans les choses. Je travaille spasmodiquement, sans heure régulière, ce qui revient à dire que j'écris quand cela me prend. Je suis toujours surpris de trouver cela si facile sur le moment et de me sentir si fatigué après. En tant qu'auteur de romans policiers, je dois constituer une sorte d'anomalie, car la plupart des auteurs de romans policiers de l'école américaine sont à demi illettrés. Et je suis non seulement lettré, mais même intellectuel, encore que je n'aime guère ce mot. En Amérique, l'auteur de romans policiers est méprisé et traité en tâcheron inculte parce qu'il écrit des polars, au lieu d'écrire par exemple des balivernes à prétention sociale. Tout ce que je voulais quand j'ai commencé à écrire, c'était jouer avec un langage nouveau et fascinant, pour voir ce que ça donnerait comme moyen d'expression, si on restait à un niveau peu intellectuel de pensée, tout en acquérant le pouvoir de dire des choses qu'on ne dit généralement que sur un ton littéraire. J'ai fait du mélodrame, parce qu'en regardant autour de moi, j'ai vu que c'était le seul genre à peu près honnête. Maintenant, il y a des types qui me parlent de prose et d'autres qui viennent me dire que j'ai une conscience sociale. Philippe Marlowe en a autant qu'un cheval de conscience sociale. Il a une conscience personnelle, ce qui est tout à fait différent. Il y a même un cinglé qui m'a fait savoir que je pourrais écrire un excellent roman prolétarien. Dans mon univers limité, un tel animal n'existe pas, étant par tradition et patiente recherche un snob accompli. Monsieur Marlowe et moi, nous ne méprisons pas les classes supérieures parce qu'elles prennent des bains et ont de l'argent. On les méprise parce qu'elles sonnent faux. Comme je relis une partie de ce que je viens d'écrire, je me trouve par-ci par-là un petit air pincé. Rien d'admirable à cela, mais malheureusement, c'est ainsi. Rien à y faire. Il se trouve que sur plus d'un point, je suis un être assez hautain. Et cela ne m'étonnerait pas si on le sentait à travers ce que j'écris. Bien à vous. Ray. Lettre du 22 novembre 1950 à Charles Morton, rédacteur en chef de la revue The Atlantic Monthly. Cher Charlie, peut-être qu'en un sens, plus la télévision est mauvaise, meilleur c'est. On me dit que beaucoup de gens la regardent qui depuis longtemps n'écoutaient plus la radio. Peut-être qu'au bout d'un moment, un nombre assez grand de ces gens comprendra que ce qu'ils regardent, en fait, c'est eux-mêmes. La télévision est en somme ce que nous avons attendu toute notre vie. Il fallait faire un certain effort pour aller au cinéma, il fallait que quelqu'un garde les enfants, il fallait sortir la voiture du garage, c'était du travail. Puis il fallait conduire et se garer. Parfois, il fallait même faire un demi-pâté de maison à pied jusqu'au cinéma. Ensuite, des gens avec des grosses nuques épaisses venaient s'asseoir devant vous, ça vous rendait nerveux. La lecture demandait moins d'efforts physiques, mais il fallait se concentrer un peu. Même quand on lisait un roman policier, une histoire du Far West ou l'un de ces romans historiques. Et de temps en temps, on trébuchait même sur un mot de 3 syllabes. Ça fatiguait bigrement le cerveau. La radio, c'était déjà mieux, mais il n'y avait rien à regarder. Le regard errant dans la pièce, on risquait de se mettre à penser à autre chose, des choses auxquelles on ne voulait pas penser. Il fallait montrer un peu d'imagination pour se bâtir une image de ce qui se passait juste par le son. Mais la télévision, c'est parfait. On tourne quelques boutons de ces réglages mécaniques dont se sortent si bien les singes les plus évolués. Et puis on s'assoit confortablement et on vide son esprit de toute pensée. Et on regarde les bulles dans le limon des premiers âges. On n'a même pas besoin de se concentrer, on n'a pas besoin de réagir, on n'a pas besoin de se souvenir. Le cerveau ne fait pas défaut puisqu'on ne s'en sert pas. Le cœur, le foie et les poumons continuent à fonctionner normalement. À part cela, tout est paisible et calme. C'est le nirvana du pauvre. Et si un mauvais esprit vient vous dire que vous ressemblez à une mouche collée sur une boîte à ordures, ne faites pas attention. Il n'a probablement pas de quoi s'acheter un poste de télévision. Bien à vous, Ray. 6 décembre 1950, à Alfred Hitchcock, à propos du scénario de L'Inconnu du Nord Express. Cher Hitch, j'aurais parfaitement compris que vous fassiez à mon scénario tel ou tel reproche parce qu'une scène était trop longue ou un aspect de l'intrigue particulièrement maladroit. J'aurais compris que vous ayez changé d'avis sur une de vos exigences parce qu'on vous imposait cela. Ce que je ne comprends pas, c'est comment vous acceptez qu'un scénario qui somme toute possédait une certaine vitalité a pu être réduit à cet amas flasque de clichés avec des personnages sans visage et des dialogues qui sont exactement ce qu'on efforce d'apprendre aux dialoguistes à ne pas faire. On répète tout 2 fois, si bien que l'acteur et la caméra n'ont rien à apporter. Bien sûr, vous devez avoir vos raisons, mais il faudrait un esprit beaucoup moins brillant que le mien pour deviner ce que ces raisons peuvent bien être. Si vous vouliez un truc à l'eau de rose, pourquoi diable êtes-vous venu me chercher? Quel gâchis, quelle perte de temps. Non, il ne sert à rien de me répondre qu'on m'a bien payé pour cela. Perdre son temps, ça n'a pas de prix. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite bonne chance. On ne peut pas prédire le destin d'un film qui dépend souvent d'un truc que l'on avait jugé plutôt insignifiant au cours du tournage. Il y a de bons films qui font des bides et des navets qui crèvent le plafond. Et les esprits les plus perspicaces ne savent jamais pourquoi. Après tout, on trouve toujours quelque chose dans un film de Hitchcock. Bien à vous, Raymond Chandler. Are you trying to tell me? Why, you maniac! But Guy, you wanted it. We planned it on the train together, remember? Where are you going to? Where do you think I'm going? I'm going to call the police, of course. But you can't, Guy. We'd both be arrested for murder. We'd both be arrested for murder? You're just as much in it as I am. We planned it together. Crisscross. Are you crazy, fool? Do you think you can get away with that? Oh, come now, Guy. Why should I go to Metcalf to kill a total stranger? Unless it was part of the plan and you were in on it. You're the one who benefits, Guy. You're a free man now. I didn't even know the girl. Lettre à Edward Wicks, rédacteur en chef de la revue de Boston, The Atlantic. Cher Mr. Wicks, au fait, vous voudrez bien présenter mes sincères félicitations au puriste qui chez vous relie les épreuves et lui faire comprendre que je m'exprime dans une sorte de patois en miettes, un peu comme le style des maîtres d'hôtel suisses. Et quand ça me prend de déplacer les adverbes, bon Dieu, eh bien je veux qu'ils restent là où je les ai mis. Et quand j'ai envie d'intercaler dans le velours d'une syntaxe plus ou moins littéraire des expressions qui viennent de l'argot des bistrots, c'est les yeux bien ouverts que je fais cela, l'esprit détendu mais sur mes gardes. Peut-être que cette méthode n'est pas parfaite, mais voilà. Je n'ai rien d'autre en magasin. Sans doute votre correcteur a-t-il la charitable intention de me remettre debout sur mes pieds, et je lui en suis bien reconnaissant, mais je crois encore être capable de tenir le cap, à condition bien sûr de disposer des deux trottoirs et de toute la largeur de la chaussée. Février 1951, à H.F. Hawes, ancien professeur de Raymond Chandler au Dulwich College en Angleterre, où il fut élève entre 1900 et 1905, jusqu'à ses 17 ans. Cher Hawes, je suis bien de votre avis quand vous affirmez que presque tout ce qui s'écrit de nos jours ne vaut pas un clou. Mais est-ce que cela n'a pas toujours été vrai? J'imagine que chaque génération a la littérature qu'elle mérite, comme on le dit à propos des gouvernements. Cette époque veule finit par tous nous agacer. Et cela nous incite à accorder au passé une pureté de ligne que les gens de l'époque ne voyaient sans doute pas. Car après tout, ce passé a été filtré, tamisé, alors que le présent ne l'est pas. Ce qui nous reste de la littérature du passé a été paré d'un tel prestige par le simple fait de sa survie, en dehors de tout autre mérite. Le passé, c'est notre université. Il nous donne nos goûts, nos habitudes de pensée, et cela nous gêne de ne pas retrouver les mêmes bases dans le présent. Je suis personnellement convaincu que si notre art présente une qualité quelconque, mais ce n'est pas sûr. Ce n'est pas dans sa ressemblance avec ce qui nous apparaît aujourd'hui comme traditionnel, mais dans ce qui apparut d'abord comme novateur. Il me semble qu'il existe bien peu de périodes dans l'histoire de notre civilisation où les contemporains voyaient clairement les marques de la grandeur. Si vous aviez vécu à l'époque de Sophocle, sans doute vous l'auriez eu en aussi haute estime que maintenant. Mais vous auriez peut-être trouvé Euripide un peu vulgaire. Élisabétain, vous auriez sans doute considéré Shakespeare comme un simple fournisseur d'intrigues réchauffées et de rhétoriques exagérées. Je me demande bien pourquoi j'écris tout cela. Je ne défends rien, et je ne souhaiterais même pas, même si je le pouvais, diminuer le plaisir que vous prenez à lire ce qui vous plaît. So you're a private detective. I didn't know they existed except in books, or else they were greasy little men snooping around hotel corridors. Oh, you're a mess, aren't you? I'm not very tall, either. Next time I'll come on stilts, wear a white tie and carry a tennis racket. I doubt if even that would help. Now, this business of Dad's, think you can handle it for him? It shouldn't be too tough. Really? I would have thought a case like that took a little effort. Not too much. What will your first step be? The usual one. I didn't know there was a usual one. Oh, sure there is. It comes complete with diagrams on page 47 of how to be a detective in 10 easy lessons, correspondence school textbook, and your father offered me a drink. You must have read another one on how to be a comedian. You hear what I said about the drink? I'm quite serious, Mr. Marlowe. My father can't help yourself. Lettre du 19 avril 1951 à l'un de ses lecteurs. Cher Monsieur Iberson, merci de porter tant d'intérêt aux faits qui concernent la vie de mon personnage, Philip Marlowe. Sa date de naissance est incertaine. Je crois qu'il dit quelque part avoir 38 ans, mais ça fait déjà pas mal de temps et il n'a pas vieilli. Faut l'accepter ainsi. Il n'est pas né dans une ville du Middle West, mais dans une petite ville de Californie qui s'appelle Santa Rosa. Marlowe n'a jamais parlé de ses parents et apparemment, il ne reste plus de famille en vie. Il a passé 2 ans à l'université, soit à celle d'Eugène dans l'Oregon, ou bien à Corvallis. Je ne sais pas pourquoi il est venu s'installer dans le sud de la Californie. Sauf que c'est ce que font la plupart des gens, quitte à ne pas tous y rester. Il semble qu'il ait eu quelque expérience comme enquêteur pour une compagnie d'assurance, et puis comme enquêteur auprès du District Attorney de Los Angeles. Ça n'en fait pas nécessairement un officier de police ayant le droit de procéder à des arrestations. Les circonstances qui lui ont fait perdre sa place me sont bien connues, mais je ne peux pas trop en dire à ce sujet. Il faudra vous contenter de savoir qu'à un certain moment, il s'est montré trop efficace. Mais à ce moment-là, l'homme en place dans les parages n'avait pas trop besoin d'efficacité. Il mesure un peu plus d'1m80 et il pèse dans les 75 kilos. C'est un brun aux yeux marrons et l'expression « plutôt bien » de sa personne lui déplairait souverainement. Je ne pense pas qu'il ait l'air d'un dur, mais ça peut en être un. Si jamais j'avais pu choisir l'acteur qui dans mon esprit lui correspondait, je crois que j'aurais choisi Cary Grant. Je crois qu'il s'habille aussi bien qu'on peut s'y attendre, Il n'a de toute évidence pas beaucoup d'argent à dépenser pour ses vêtements ou pour quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Quand vous dites qu'il porte un pyjama même en été, alors là, je ne vois pas. Pour ce qui est du tabac, je ne crois pas qu'il tienne tellement au camel. N'importe quelle cigarette ou presque ferait l'affaire. Il est tout à fait certain qu'il ne se sert jamais d'allumettes en pochette. Ce sont toujours des allumettes en bois, car on peut les gratter n'importe où, même sur l'ongle de son pouce, quand le temps est sec. En ce qui concerne la façon de boire de Marlowe, je ne pense pas qu'il préfère le rail au bourbon. En fait, il boirait n'importe quoi de pas trop doux. Certains cocktails comme les Pink Lady, les Honolulu Cocktails, lui feraient l'effet d'une insulte. Ouais, son café est bon. Et il le prend avec de la crème et du sucre, mais pas de lait. Parfois aussi, il le boit noir et sans sucre. Il se lève tard. Mais il lui arrive aussi de se lever tôt quand c'est nécessaire. N'en est-il pas de même pour nous tous? Quant à son intérêt pour les femmes, je crois que son attitude est celle de n'importe quel homme en bonne santé et vigoureux et qui se trouve être célibataire alors qu'il devrait être marié depuis longtemps. Il aime tous les parfums un peu acides, pas ceux qui sont écœurants ou trop capiteux. Comme vous l'avez peut-être remarqué, c'est un personnage assez acide. Bien sûr, il sait ce qu'est la Sorbonne et il sait aussi où cela se trouve. Il sait aussi la différence entre un tango et une rumba, une conga et une samba, une samba et un mamba. Et cependant, il ne croit pas qu'un mamba puisse dépasser un cheval au galop. Je ne pense pas qu'il connaisse cette nouvelle danse, le mambo, car on vient juste de le découvrir. Ce que lit Marlowe, ses goûts musicaux, cela reste un mystère pour moi. Mais si j'essaie d'improviser, je crains de confondre avec mes goûts personnels. Si vous me demandez pourquoi il est détective privé, je ne peux pas vous répondre. Apparemment, il y a des moments où il préférait faire autre chose, de même que parfois je préférais faire presque n'importe quoi, plutôt que d'écrire. Le détective privé dans les romans, c'est une créature fantastique qui agit et qui parle comme un homme réel. Il peut être tout à fait réaliste dans tous les sens du terme, sauf un. Dans la vie, comme nous la connaissons, il ne serait pas détective privé. Les choses qui lui arrivent pourraient encore lui arriver, mais ce serait le résultat d'un concours de circonstances assez extraordinaires. En faisant un détective privé, on évite d'avoir à justifier ses aventures. Où vit-il? Dans un appartement qu'on lui aurait cédé à bas prix, parce qu'un meurtre y avait été commis. Je crois, mais j'en suis pas sûr, que cet appartement est au quatrième. Meublé, le loyer aurait été dans les $60 par mois. Dieu sait maintenant à combien il s'élèverait. Il a débuté avec un automatique allemand, un Luger. On dirait qu'il a eu des Colt automatiques de calibre divers. Et la dernière fois que j'en ai entendu parler, il avait un Smith & Wesson 38 spécial. Voilà tout ce que je peux vous dire pour le moment, mais si vous voulez d'autres détails, écrivez-moi. Bien à vous, Raymond Chandler. C'était Page arrachée à la correspondance de Raymond Chandler, lettre choisie par Bruno Abraham Kremer et Anne Rothenberg. Lue par Bruno Abraham Kremer et Pauline Moulin. Musique originale, Dominique Massa. Bruitage, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Éric Boisset, Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Alice Cachaner. Réalisation, Pascal Deux. Les deux volumes de la correspondance de Raymond Chandler sont parus dans une traduction de Michel Doury aux éditions Bourgois, puis aux éditions 10-18. Vous pouvez réécouter et podcaster le feuilleton sur le site fiction.franceculture.fr.